déjà béni la feuille sèche, parsème les gazons jaunis. Soir et matin, la brise est fraîche, hélas, les beaux jours sont finis. On voit s'ouvrir les plaques gamme, le jardin pour des ramiers présents, les alliés et sa coquette, et le souci sa coque d'or. La pluie au bassin fait début, les hirondelles sur le toit tiennent des comptes s'il y a bulle. Voici l'hiver, voici le froid. Elle se semble par son teint, se concertant pour le départ, avait crié maintenant d'elle sur la moulure au bord étroit. Pleine brune, pique la mer bleue, rodant d'écume leur bassin. Demain, combien de lieux d'océan auront filé sous notre essaim. Je rêve d'avoir des ailes pour voler là-bas avec elle, au soleil d'or, au printemps, enivré à jamais de liberté.